Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Bonsoir à tous, auditeurs de Radio Var Méditerranée. Nous sommes donc le jeudi, il est 17h et vous êtes bien sûr dans le son de l'underground. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc hebdomadairement tous les jeudis. Pour vous dire, les news au niveau des events, bien sûr, c'est pas très beau, on le sait. Sinon, nous, on avance toujours. Donc la chose à dire, c'est Sudtronic, la radio, donc 24 heures par jour de la musique électronique qui avance. Vous avez du chill, vous avez de la progressive, vous avez de la deep, vous avez de la techno, de la tech house, enfin il y en a pour tout le monde. On est en train de structurer ça, je travaille toujours dessus. On est toujours en attente de l'application dédiée, on vous donnera les dates dès que c'est validé, donc par Google, par Apple, par tous ces gens-là. Vous pouvez toujours donc commencer à écouter Sudtronic qui est disponible sur le site de radioméditerranée.com et également dans l'onglet de l'application Radio Méditerranée, vous trouvez la petite case Sudtronic. Voilà, pour l'apéro avec des amis, pour d'un coup se libérer un petit peu, une petite heure. Ça monte en tempo toute la journée, ça commence par du chill et puis ça s'envenime tout ça et tout en pleine nuit, ça envoie du lourd. Il y a des mix aussi le samedi et le vendredi soir et le samedi soir pour pouvoir faire la fête ou l'apéro entre amis sans aller dans une playlist qui vaut pas le coup ou qui dégénère assez rapidement. Là vous avez des super mix de qualité et que des morceaux choisis de qualité, on met pas juste des compiles comme ça, voilà, on choisit vraiment des morceaux parmi beaucoup de morceaux et donc vous avez vraiment la crème de la crème sur Sudtronic. Voilà, on va commencer aujourd'hui le programme, on se fait une petite heure quelque chose de nu disco et on enchaîne avec de la progressive house, donc tout d'abord un petit peu quelque chose de festif et dansant et après quelque chose d'un peu plus cérébral, un peu plus transeux, mais toujours dans la house, dans la progressive house. En tout cas, je vous reprends pour le break, on démarre tout de suite, nu disco. Radio Méditerranée. Very typical, maybe. Very sightful, indeed. I don't know how you ail me, but it's gotta be real. You

And your brothers. We'll be right back.

I've traveled the galaxy to find a place off the beaten track. A spot without no time, no space, a place where I fall back. Come a real long way, somewhere in nowhere. You know when people say that they just don't care, today I say this goes as you say. We'll be right back. Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Comunatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et image par Comunatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Voilà, fin de cette première partie, un petit mix nu disco d'un peu plus d'une heure, j'espère qu'il vous a plu, voilà, ça c'est plutôt festif et dansant, c'est ce que j'avais joué par exemple à Lille au Bar, c'est ce que je peux jouer en fait dans beaucoup d'établissements à mon avis, qui ne connaissent pas précisément peut-être ce son, mais tout le monde peut écouter, même les gens qui ne sont pas aguerris. Voilà, vous êtes donc sur le son de l'Underground, sur Radio Méditerranée, il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Il est jeudi, donc cette émission est enregistrée, hein, je dois vous le dire, c'est encore une fois, il y a une presta, Moa chante au Blue Lagoon ce soir jeudi à 20h Cap Estérel. Vous pouvez réserver au 06 40 20 40 35, David prendra votre réservation avec plaisir, c'est un snack en plein air, mais un snack plus avec des bons cocktails, un petit peu de tout, mais vraiment bien près de la piscine à vagues de Cap Estérel. Où bon, c'est les dernières bribes des vacances et donc c'est encore peut-être une dernière fois où vous pouvez écouter Moa chanter ici régulièrement. Elle va déménager donc et sera donc du côté de Toulouse à partir de la rentrée où elle va continuer ses études de musique. Voilà, en plus il y a des compos qui sortent, on commence à finaliser les mastering pour un EP, un EP. De 3 ou 4 morceaux, on a 3 morceaux composés, plus peut-être une cover unplugged d'un morceau choisi à la guitare ou autre, on ne sait pas encore, mais en tout cas on a 3 compos, 2 pratiquement finalisés et une qui est en train de se finaliser. D'ailleurs si vous voulez écouter Moa aussi également à Saint-Raphaël, lundi 24, donc ça se passera sur le port de Saint-Raphaël devant l'office du tourisme, une petite scène montée par la mairie de Saint-Raphaël et Radio Méditerranée, où vous aurez un concert de 3 heures, où se partageront donc en première partie Moa, de ce concert de 20h à 21h30, et puis après 21h30, 23h, le groupe parallèle de Draguignan. Une belle voix aussi, une bonne chanteuse, un bon petit groupe qui fait des covers, mais de qualité. Et donc en tout, je pense que vous en aurez vraiment pour votre moment, pas d'argent puisque c'est gratuit, c'est dans la rue, ça va être super, ça va être une des dernières de l'été aussi. Donc ça se passe sur le cours piéton qui est le long du port, côté donc côté piéton, trottoir et pas côté port. Et devant l'office du tourisme, entre le fast-food là avec la truc dorée jaune, je dis pas le nom parce que bon, c'est vraiment pourri. Et par contre, les super glaces à côté, voilà, les super glaces barbaraques. Mais je ne dis pas trop fort, hein, pour pas faire de pub, machin. Bon, en tout cas, nous, c'est fini pour la nuit disco. Donc, vous avez les dates, hein, de ce soir, Blue Lagoon, 20h, au Cap Estérel. Et lundi, donc, sur le port de Saint-Raphaël, avec la mairie de Saint-Raphaël et Radio Méditerranée, une belle scène avec des lumières, du bon son. Voilà. Quant au rendez-vous, les autres, eh ben, il n'y en a pas trop pour l'instant. C'est plutôt dans le flou. Quoi vous dire, jeudi prochain, de toute façon, on est là avec le son de l'Underground. Toujours, allez voir un petit peu sur Sudtronic, donc sur le site radioméditerranée.com et aussi sur l'appli Radio Méditerranée, sur l'onglet, vous avez Sudtronic, ça démarre. Partagez, dites-le aux amis, voilà, pour aider à démarrer cette radio intéressante, que de musique électronique, pas que du boom-boom, mais que de musique électronique, 100%. Et puis dans le monde entier, vous verrez, il y aura des surprises, il y aura des gens qui viendront mixer par podcast du monde entier. Voilà, je suis assez connecté, je vais faire en profiter cette radio. Il faut que ça soit vraiment une plateforme pour différents styles et différentes régions du monde. Ça sert à ça, je pense, Internet et les applis. Donc profitons-en et faites-le. Mais toujours, de toute façon, Sudtronic donnera vraiment la priorité aux artistes du sud de la France, surtout pour les visites en live. En tout cas, ben voilà, ça, je vous donnerai des précisions dès que ça se précise. Là, je vous fais un mix progressive house, on a dit, hein. Ça va être plutôt, on va démarrer lentement, on va monter la mayonnaise et on va finir quand même sur du tempo. Ça va être planant, c'est de la house planante, hein. C'est de la house plutôt trans, ça s'appelle la progressive house. On démarre et je vous fais un petit coucou avant la fin de l'émission. Radio Méditerranée.

Thank you. Radio Méditerranée. Everybody's moving in the back room. for the sun to rise. We move a little closer in the background. Thank you.

Thank you. Make this quick. Make this quick. Wanna take a look inside? Let's make this quick. Let's make this quick. wanna take a look inside? This quick. Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Comunatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Comunatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Et bien voilà, cette session de 3 heures de son de l'underground touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. On a fait une heure quelque chose de new disco, un petit peu plus qu'une heure. Et après, on a enchaîné sur presque 2 heures de progressive house. Moi j'adore, c'est un style que j'adore. Vous savez que je viens de la trance, et de la psychédélique trance en particulier. Et quand même, ça me rappelle, peut-être pas la psychédélique, mais la progressive trance est très proche, celle d'avant en tout cas est très proche de la progressive house de maintenant. Donc c'est coloré, c'est planant, on ferme les yeux, on danse, enfin voilà quoi. Ouais, ça rappelle des bons souvenirs de jeunesse quand même. Là on n'en est plus là parce que vous avez vu, l'autre ils ferment tout, quoi, ils arrêtent tout. Donc je sais pas, je leur avais déjà expliqué une fois, vous savez, il y a 20 ans, je leur avais dit écoutez, je viens d'une cité de merde, voilà, il n'y a que de la merde, on fait de la merde. Je vais danser en forêt et vous venez aussi me casser les couilles en forêt, quoi, quand je danse, quoi. Donc je veux dire, je sais pas ce que vous voulez en fait. Et je pense qu'on en arrive là aujourd'hui pour la jeunesse, pour tout le monde. Là, je sais pas ce qu'ils veulent, ils veulent plus qu'on rigole, mais quand on rigole plus, peut-être ça se passe pas si bien en fait. Donc voilà, j'espère qu'on va retrouver la raison. J'espère qu'on va donner la parole aux personnes qui savent de quoi ils parlent. J'espère qu'on va remettre la science au centre des débats quand il s'agit en tout cas de débats scientifiques. Et voilà, mis à part ça, fin de la parenthèse. Vous êtes sur Radio Méditerranée, donc on dit un peu ce qu'on pense, hein, c'est comme ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on peut pas quand même s'amuser. On va tous crever, vous savez, un jour, on va tous crever. Donc voilà, Covid ou pas. Donc en attendant, quand même, on pourrait un peu s'amuser dans la bonne humeur et sans casser les couilles aux autres. Je pense que c'est possible. En tout cas, pour cette semaine, c'est fini sur le son de l'underground, oui. Écoutez Sudtronic, passez sur Sudtronic de temps en temps, faites un apéro avec Sudtronic. Je bosse tous les jeudis sur ce projet, donc toutes les semaines, ça avance. Ce week-end il y aura encore des nouveautés. On va commencer à compartimenter les journées par thème et puis aussi par espace géographique. Voilà, et puis je dédie aussi ce dernier petit mix Progressive House à mon pote Search Villa, donc un très bon DJ belge. On a à peu près le même âge, on est un petit peu sur les mêmes concepts de mix. En tout cas, j'aime bien ce qu'il fait. Je comprends sa façon de mixer et c'est celle que j'adhère. Search, j'espère que ça t'a plu, ce Progressive House. J'espère que tu feras partie aussi de Sudtronic, on en reparlera dès que c'est construit. En tout cas, vous le retrouvez sur Radio Méditerranée, tous les samedis, tous les samedis soirs. Je pense que c'est à 19h-20h qu'il est programmé. En attendant, écoutez Sudtronic sur radioméditerranée.com et aussi sur l'application Radio Méditerranée. Je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas, ce soir, 20h, Moa qui chante au Blue Lagoon à Capesterel à Saint-Raphaël. Et puis lundi, sur le port de Saint-Raphaël, une belle scène mise en place par la mairie de Saint-Raphaël et Radio Méditerranée. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.